الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. وجوده يحمي. Son existence protège. وجوده يغني. Et sa générosité enrichit. وعذابه يفني. Et son châtiment extermine. وعفوه ينجي. Mais son pardon sauve. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال داود عليه السلام, David prière et sur lui dit, يا رب, au Seigneur, أسألك أربعا وأعوذ بك من أربع. Je te demande quatre et je me protège par toi contre quatre. أسألك لسانا ذاكرا. Je te demande une langue qui t'évoque. وقلبا شاكرا. Et un cœur qui te remercie. وبدنا على البلاء صابرا. Et un corps qui supporte avec patience les épreuves venant de toi. وزوجة تعينني على أمر ديني ودنياي. Et une femme qui m'aide dans les affaires de ma vie ici-bas et de ma vie ultime. وأعوذ بك من أربع. Et je demande ta protection contre quatre. من جار أعوذ بك من مال يكون وبالا علي ويتمتع به غيري. Je demande ta protection contre une fortune ou des biens qui sont un mal pour moi et une jouissance pour autrui. وأعوذ بك من ولد يكون علي سيدا. Et je demande ta protection contre un enfant qui deviendra un maître, qui deviendra plus tard un maître pour moi et je deviendrai un esclave pour lui. وأعوذ بك من جار إذا رأى مني خيرا أنكره. Et je demande ta protection contre un voisin qui, lorsqu'il voit mes bonnes actions, il les cache. وإذا رأى سوءا أذاعه. Mais lorsqu'il voit mes mauvaises actions, il les publie. وأعوذ بك من زوجة تشيبني قبل المشيب. Et je demande ta protection contre une femme qui va me faire sortir les cheveux gris avant terme. أو المرأة تقول أعوذ بك يا رب من زوج يشيبني قبل المشيب. Et la femme, bien sûr, va dire au Seigneur, je demande ta protection contre un mari qui va me faire sortir les cheveux blancs avant terme. يا رب وجهت وجهي وجهت بصري هنا وهناك وحيثما توجه البصر يلقاك ليس من فقد عينيه بأعمى ولكن الأعمى بحق من لا يراك وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. وقف في المقبرة. Il s'est arrêté une fois dans un cimetière. فقال لأصحابه. Il dit à ses compagnons. إني اشتقت إلى أحبابي. J'ai hâte de voir mes bien-aimés. قالوا أولسنا أحبابك يا حبيب الله. Ils dirent. Est-ce qu'on n'est pas tes bien-aimés, ô bien-aimés de Dieu? قال بل أنتم أصحابي. Il leur dit. Plutôt vous êtes mes compagnons, vous êtes mes amis. قالوا فمن أحبابك. Ils dirent. Et qui sont-ils donc tes bien-aimés? قال قوم يأتون بعدكم. يؤمنون بي ولم يروني. Il leur dit, il s'agit de gens qui viendront après vous et qui croiront en moi sans me voir. Sayyidi, Amir al-Anbiya, sallallahu alayka adad nujum al-sama, wa rimal al-sahra, wa awlad adam wa hawa, amma ba'd, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام أحباب الحبيب محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام بطلب من أحد المسؤولين في مدرسة الهدى طلب أن أتكلم عن التربية sur demande d'un frère parmi les responsables de l'école الهدى à notre mosquée d'Evry une demande que je traite le sujet de l'éducation, bien sûr l'éducation des enfants. Ce sujet est un thème ancien et nouveau. On doit toujours rappeler, c'est le rôle du vendredi de rappeler. La question qu'on se pose, la question qu'on se pose, pourquoi les enfants des musulmans ont répudié l'amour de l'école et l'amour du travail ? Et ils se sont mariés avec la paresse et le chômage. Pourquoi ont-ils choisi de vivre sur la marge étroite de la vie ? Pourquoi avons-nous arrivé à cet état ? الجواب هناك عدة أسباب. La réponse, il y a plusieurs raisons. ومن بين هذه الأسباب, et parmi ces raisons, التربية أو قل عدم التربية. Parmi ces raisons, c'est l'éducation ou dit même le manque d'éducation. بمعنى أن الآباء لم يقوموا بواجبهم. Ceci signifie que les parents n'ont pas accompli leur devoir. وهو تربية الأولاد, qui est l'éducation des enfants. بمعنى أن أخطاء الشباب التي نراها هي في الحقيقة أخطاء للآباء. Ceci signifie que les erreurs commises par les jeunes d'aujourd'hui, en réalité, ce sont des erreurs commises par les parents. فشل الشباب الذي نراه, l'échec des jeunes visible aujourd'hui, هو فشل للآباء. Il s'agit avant tout d'un échec des parents. فشل للمربين, un échec des éducateurs. المصيبة تجد واحد كيربي وليداته مزيان إلى غير ذلك, ولكن لما يتلقاه في المدرسة هنا أو في المدرسة هناك مع أولاد ديال الناس مسلمين ما ربوش أولادهم كيخرجوا عليهم. Le problème c'est que on trouve quelques familles, et alhamdulillah, qui éduquent leurs enfants bien comme il se doit, mais lorsque les enfants se rencontrent ici à l'école de la mosquée ou ailleurs dans les écoles de la République, ceux qui n'ont pas reçu une bonne éducation, les enfants des musulmans non éduqués comme il faut, corrompent les enfants qui ont reçu une bonne éducation. Et à ce moment-là, celui qui n'a pas éduqué ses enfants est responsable de ses enfants et du tort commis aux autres enfants. Yani huna li marbash wuldo أمام الله هو مسؤول لأنه لم يربي ولده, ولكن مسؤول حتى عن المصائب التي مست أولاد الآخرين بسبب أولاده. يعني كيف الإنسان جالس في بيته وبنته أو ولده خارج البيت تانية عشرة ليلا وما يفكرش فيهم, وما كنتكلمش لا وحدين عندهم 22 عام قال لك غلبوني, لا نتكلم على 12 14 عام. Comment se fait-il qu'un père est chez lui en train de regarder Al Jazeera et ses enfants sont dehors, sa fille ou son fils est dehors à minuit ou 22 heures du soir? Qu'est-ce qu'il fait? Allahu a'lam. Il est en train d'apprendre la prière. Ça c'est inadmissible. Je ne parle pas d'enfants qui ont atteint 22 ans. On va dire ça y est, on ne peut plus rien faire, la ghalib. Je parle d'enfants qui ont 14 ans, 16 ans. Le père ne se soucie même pas de l'éducation de ses enfants. Pour lui, c'est le café, les amis, la télé, etc. La femme, la même chose, c'est les copines. Parler au téléphone ou visiter ses copines, et les enfants sont devenus des orphelins. Des orphelins. يعني الأب مشغول بالقهوة وبالتيرسي وزيد وزيد, والمرأة مشغولة بصحاباتها الله غالب تهيا, والأولاد صاروا أيتام ربوا نفوسهم بنفوسهم. وأحب أن أقول هنا كلمة جدي لا جيمري دير لا أمو بأن أصعب مهنة في العالم أو مهمة في العالم لا ميسيون لا بلو ديفيسيل أو لو ميتيي لو بلو ديفيسيل دون لو موند أخطر مهنة في العالم لو ميتيي لا ميسيون لا بلو دانجروز دون لو موند هي مهنة التربية سي لا ميسيون لو ميتيي دو ليدوكاسيون يا ولدي لا ما قادش تربي ما تولدش Non, Lucas, mon frère, tu es incapable d'éduquer, n'enfante pas, marie-toi, mais dis à ta femme, nous, on ne va pas faire d'enfant. Al-aqal, au minimum. Ra, tel hayawanat ki ouldou. Ra, les animaux enfantent. Seulement le hayawanat, ou le hamar ki khurj hamar. Chez les animaux, le petit d'un âne deviendra un âne. Ou Ibn al-Kalb, il est kalb. Le petit d'un chien est un chien. Mais nous, le musulman est un kafir. Mais chez nous, le fils d'un musulman devient kafir, ne devient pas musulman comme. Ça veut dire, al-hayawanat saru ahsan minna. Les animaux sont devenus mieux que nous. Rasal al-Tuld, il est facile d'enfanter. Ce qui est difficile, c'est d'éduquer. أكبر مسؤولية هي أن تكون أبا هي أن تكوني أما la mission la responsabilité la plus dure c'est que tu sois un père ou que tu sois une mère أصعب شيء هو الزواج la chose la plus difficile est le mariage فالإنسان لا يتلقى دروسا في حياته l'individu ne reçoit pas des cours d'éducation dans sa vie وليس هناك مادة دراسية اسمها الزواج أو تربية الأولاد. Il y a pas une matière dans l'école ou à l'école de la République ou autre école qui s'appelle le mariage et l'éducation des enfants. علموهم كل شيء حتى الجنس. Ils leur ont appris toute chose, même la pornographie, même les relations sexuelles. Ils leur ont tout appris. الإنسان لم يتعلم شيئا في حياته عن الزواج ولا التربية mais l'homme dans tous les états du monde n'a pas appris quelque chose qui s'appelle le mariage et l'éducation وفي يوم من الأيام et un de ces jours يجد نفسه متزوجا et un de ces jours il se retrouve marié هذه الطبيعة telle est la nature des choses أمام امرأة devant une femme في بيت واحد dans une même maison, un même appartement, mais il ne sait pas comment se comporter avec sa femme. Elle ne sait pas comment se comporter avec son mari. Il y a des manœuvres qui commencent, des essais, peut-être qui n'aboutissent pas. Chacun commence à apprendre à partir de ses erreurs. Et ainsi de suite. Karajul نرميه في الماء الغارق وهو لا يعرف السباحة exactement comme un homme qu'on jette dans l'eau profonde et il ne maîtrise pas la nage il ne sait pas nager ونقول له اسبح et on lui dit nage maintenant ولهذا كثيرا ما يحصل الطلاق في بداية الزواج raison pour laquelle on remarque souvent le divorce qui arrive juste après le mariage au moment du mariage chacun dit à l'autre je t'aime قبل الزواج كل واحد يكذب على الاخر راني نحبك راني نموت عليك راني كذا ولكن هذاك اللي يموت عليه من بعد هو اللي يطلقوا et après cet amour affiché des deux côtés il y aura le divorce donc tu c'était du mensonge lorsque tu disais au début je t'aime donc il faut se méfier de ce mot je t'aime وكذلك الانسان في يوم من الايام يجد نفسه ابا او اما et de la même manière un de ces jours l'individu se retrouve comme père ou mère وهو لا يعرف شيئا عن التربيه et il ne sait pas comment éduquer cet enfant qui arrive un cadeau qui arrive du ciel وكل واحد يربي اولاده chacun va éduquer ses enfants حسب ما يظنه الصواب selon ce qu'il pense lui raisonnable ou juste وربما هذا الذي يظنه صواب هو خطأ. Il se peut que ce que la personne pense comme juste dans l'éducation est une erreur. لهذا أصعب مهمة هي الزواج وهي التربية. Raison pour laquelle la mission la plus difficile, la plus dangereuse, c'est le mariage et l'éducation, ولكن في نفس الوقت أشرف مهمة هي الزواج والتربية, mais en même temps la mission la plus noble dans le monde c'est le mariage et l'éducation. ولهذا فالإسلام جعل من الزواج عبادة. L'islam a fait du mariage une adoration. جعل من التربية عبادة. L'islam a fait de l'éducation une adoration. اسمعوا إلى الجائزة, écoutez la récompense. قال صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sur lui dit, إذا مات ابن آدم, quand l'enfant d'Adam meurt, انقطع عمله إلا من ثلاث, ses bonnes actions s'arrêtent, sauf dans trois cas, صدقة جارية, une aumône permanente, continue. Il a construit une mosquée ou autre chose, une clinique pour les femmes, une école pour les enfants des musulmans ou autres. Ou ilmin yuntafa'u bih, ou une science utile pour l'humanité. Ou waladin salihin yad'u lah, ou un enfant vertueux qui lui fait des prières, ça veut dire après sa mort. Rawahu l'imam muslim, rapporté par l'imam muslim, un enfant qui a été bien éduqué, un enfant qui sait qui a un Dieu, et de temps en temps, il s'adresse à Dieu avec des mains qui tremblent, avec des larmes sur les joues, et il adresse des hasanat, ou il adresse des prières à ses parents morts. فَرَأْسُ مَالِكُ هُوَ هَذَا الْوَلَدَ الَّذِي رَبَّيْتَهُ تَرْبِيَ صَالِحًا. Donc, frère ou sœur, ton capital, ton vrai capital, c'est cet enfant auquel tu as assuré une éducation vertueuse, liyaqula lillah ta'ala wa tabarak ba'da mawtik, afin qu'il dise à Allah après ta mort, ou yaqul fi kibarik wa anta tamut wa anta ala firash al-maut, yaqul lillah, ou qu'il dise à ta vieillesse lorsque tu es sur le lit de la mort, rabbi irhamhuma kama rabbayani صغيرة. علاش الرحمة يستحق هذا السيد هذا, هذا المرحوم هذا, علاش يستحق هذا الرحمة؟ على ديك التربية اللي رباني فاش كنت صغير ما كنتش كنعرف, هو اللي ردني راجل, هي اللي ردتني امرأة مسلمة, فربي ارحمهما على قدري, على قد ديك التربية اللي ربوني, بمعنى لما رباوش ما يستحقوش الكل الرحمة. علاش ترحمهم؟ ما عطوني والو, راه كان ملهي في القهوة وهي كانت ملهي مع صحاباتها. ربي ارحمهما كما ربياني صغيرة. Il va dire, le verset nous rappelle ce que va dire l'enfant vertueux, Seigneur, accorde-leur ta clémence ou ta miséricorde comme ils m'ont élevé enfant ou ils m'ont éduqué à mon enfance. Comme, ça veut dire la miséricorde que tu vas leur accorder sera égale à l'éducation qu'ils m'ont assurée. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de miséricorde. Waladin salihin yad'u lah, un enfant vertueux qui lui fait des prières. Idan, Allah a'taak al-awlad ala al-fitra. Donc Dieu t'a donné les enfants selon al-fitra, parce que l'anna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min mawlud illa yulad ala al-fitra. Le prophète dit, il n'y a pas un enfant qui arrive à ce monde sans qu'il soit sur la fitra. La fitra, la disposition naturelle à être musulman. وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ, et ce sont ses pères qui font de lui un juif, أَوْ يُنَصِّرَانِهِ, ou qui font de lui un chrétien, أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, ou qui font de lui un adorateur des feux. Ou bien qu'ils font de lui un athée ou autre. Rawahu l'imam muslim, rapporté par l'imam muslim. Allah a'taak al-awlad, a'taak al-amana ala al-fitra. Dieu t'a donné, t'a livré le dépôt divin, les enfants selon la fitra, selon l'islam, ala l'islam. Wa alayka an tuhafid ala al-amana. Et tu dois préserver le dépôt, tu dois garder sain et sauf le dépôt de Dieu qui est les enfants. Idha ibta'ada al-awlad an al-din. Dans le cas où les enfants s'éloignent de la religion, l'inaqs fit tarbiyah, parce qu'il y avait une carence, un manque dans l'éducation, faqad dhayat al-amana, ça veut dire tu as négligé le dépôt de Dieu. Mada taqul lillah lamma taqif amamahu, que vas-tu dire à Dieu lorsque tu t'arrêtes devant lui. وَيَسْأَلُكَ عَنِ الْأَمَانَةِ Et lorsqu'il va t'interroger à propos du dépôt. وَاللَّهِ شَحَلْ مُوَاحَدْ يَقُولَ هَذَكَ النَّارِ يَا رَبْ كُنْ مَوْلِدْشِ Beaucoup vont dire ce jour-ci, « Oh Seigneur, si j'étais stérile !» وَلَكِنْ لِي مَوْلِدْشِ الْيُومْ كَيْبْكِي كَيْقُلْ كَوْدِّي مَعْنِدِشْ لُولَدْ Mais celui qui est stérile aujourd'hui, il pleure. Pourquoi je n'ai pas d'enfant ? الأولاد طريق إلى الجنة. Les enfants sont un chemin vers le paradis. ولكنهم مسؤولية. Mais sont, mais constituent en même temps une responsabilité. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière, il lui dit كلكم راعين. Chacun de vous est responsable. وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني يوم القيامة. كلكم مسؤول عن رعيته. Et chacun de vous sera interrogé à propos de sa responsabilité. Ça veut dire le jour de la résurrection. والأمير راعٍ l'émir est un responsable والرجل راعٍ على أهل بيته et l'homme est responsable des membres de sa famille والمرأة راعية على بيت زوجها وولده et la femme est responsable du foyer de son mari de ses enfants فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته donc chacun de vous est responsable et chacun de vous sera interrogé à propos de sa responsabilité متفق عليه unanimement authentique إذن فالتربية عبادة. Donc on peut dire que l'éducation est une adoration كالصلاة والزكاة والصيام exactement comme la prière, comme l'aumône, comme le jeûne كالحج, comme le pèlerinage والسؤال, la question qui se pose هل نربي كما نريد la question qui se pose est-ce qu'on a le droit d'éduquer nos enfants comme nous voulons الجواب لا la réponse non لماذا Pourquoi ? لِأَنَّنَا لَا نُصَلِّي كَمَا نُرِيدُ Parce qu'on ne fait pas la prière comme nous, on veut. وَلَا نَحُجْ كَمَا نُرِيدُ Et on ne fait pas le pèlerinage comme nous voulons. بَلْ كَمَا أَرَادَ اللَّهُ Plutôt comme Dieu a voulu. إِذَنْ فَعَلَيْنَا أَنْ مُرَبِّي الْأَوْلَادِ كَمَا أَرَادَ اللَّهُ Donc on doit tous éduquer les enfants comme Dieu l'a voulu. أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, mes frères, mes sœurs, en islam, التربية صرح يبنى في الإسلام على عدة ركائز. L'éducation est un édifice en islam qui se base sur plusieurs piliers. والوقت لا يسمح لذكر كل الركائز. Le temps ne permet pas de citer tous les piliers. ولهذا سأقتصر اليوم على بعضها. Raison pour laquelle aujourd'hui je me contente de citer quelques piliers. وأبدأ بالركيزة الأولى. Je commence par le premier pilier. القدوة الصالحة. Le bon modèle. L'exemple vertueux. الذي يريد أن يربي. Celui qui veut éduquer. فعليه أن يبدأ بنفسه. Il doit commencer par soi-même. الذي يريد أن يربي. Celui qui veut éduquer. Ça veut dire ses enfants. فعليه أن يربي نفسه أولا. Il doit d'abord s'auto-éduquer. تعلم كي تربي. Apprends et pratique afin que tu éduques. فالمثل العربي يقول Le proverbe arabe dit فَقِدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِي Celui qui ne possède pas la chose ne peut jamais l'offrir. الطفل يحتاج في حياته إلى قدوة يقلدها L'enfant à bas âge a besoin devant lui, il a besoin devant, qu'à côté de lui ou devant lui se trouve un exemple à suivre, à imiter. وأول قدوة أمامه هي الوالدين et naturellement Dieu a voulu comme ça que les choses soient comme ça le premier exemple qui se dresse devant le bébé ce sont ses deux parents إذا رأى والده يصلي s'il voit son père fait la prière يقلده في الصلاة منذ ثلاث سنوات il va l'imiter dans le domaine de la prière à partir de deux ou trois ans il va se mettre à côté de lui faire la prière à côté de lui إذا رآه يدخن يقلده في التدخين s'il le voit fumer des cigarettes il va l'imiter dans la le tabac بأي شيء وجده منذ ثلاث سنين avec n'importe quel objet qu'il trouve à côté de lui à partir de 3 ans un stylo il va prendre le stylo comme une cigarette et il va fumer il va imiter le père الأب إذا كان لا يحافظ على الصلاة Le père qui ne respecte pas les horaires de la prière. أو لا يصلي. Le père qui ne prie même pas. كيف سيتعلم الولد الصلاة؟ Comment l'enfant va apprendre la prière? الأب الكاذب. Le père menteur. كيف يربي ولده على عدم الكذب؟ Comment va-t-il faire pour éduquer son enfant pour ne pas mentir, pour lui dire « Ah non, tu mens pas ». Et l'enfant regarde son père qui ment 100 à l'heure. « Al-ab alladhi yashrabu al-khamr » Le père qui consomme l'alcool. « Kayfa yashrah li waladihi bi anna al-khamra haramun wa darrun bil-jism » Comment va-t-il expliquer à son fils ou à sa fille comme quoi le vin, l'alcool est nuisible au corps et interdit ? سيقول الطفل في نفسه l'enfant va dire intérieurement لو كان كلام أبي حقا لطبقه هو أولا il va dire dans le cas où les paroles de mon père étaient correctes, étaient vraies c'était lui le premier à les mettre en pratique الأب قليل الأدب le père impoli, le père grossier il ne sort de sa bouche que des grossièretés, que des gros mots كيف يكون ولده مؤدبا؟ Comment son fils ne va être poli؟ والله تجد أولاد عند عائلات ثلاث سنوات يقول غير لي غرومو غير الكلام الخيب وباهم كيضحكوا يقول لك شوف اش قال شوف شوف شوف شوف اش تشوف فرحانين كأنك يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله علموا غير العيب وفرحانين بالعيب Dans quelques familles, tu vois l'enfant à 3 ans sortir des gros mots. Et son père et sa mère autour de lui sont en train de rire. Regarde ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que je regarde ? Al-ab al-qasi, kayfa yakun waladuhu rahiman ? Le père qui est dur. Comment son fils sera-t-il clément et doux ? Al-walad, kal ina imla'hu bima shi't. L'enfant, normalement, ressemble à un récipient vide que Dieu te donne et mets dedans ce que tu veux. Remplis-le par ce que tu veux. Le père qui regarde en tranquillité le haram à la télé. Comment va-t-il dire à son... Lui, il se permet de regarder l'interdit. Et il va dire à son fils ou à sa fille, lève-toi, tu ne dois pas regarder ces haram. La tara ant. حرام علي حلال علي حرام عليك ça veut dire c'est licite pour moi illicite pour toi هذه هي التربيه c'est ça l'éducation القدوه ضروريه في التربيه le bon exemple est nécessaire dans le domaine de l'éducation ولهذا دخل الناس في دين الله افواجا افواجا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم raison pour laquelle les gens ont embrassé l'islam en vagues successives à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Limada, pourquoi? Li'annahu kana qudwa aliyah, parce qu'il était un haut modèle. Qalat anhu Aisha radiyallahu anha, un modèle sur lequel Aisha, son épouse, que Dieu soit satisfait d'elle, dit, kana khuluquhu al-Qur'an, son caractère était le Coran. كان النبي قرآنا متحركا صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sa suite était un Coran mobile. Un Coran à l'intérieur de la maison, à l'extérieur de la maison. Pas de changement. Et à l'intérieur de la mosquée. Taraka an-nas wa ahlahum. Les gens ont abandonné leur chair, leur famille. Wa biladahum. Ils ont abandonné leur patrie. Wa amwalahum. Ils ont abandonné leur richesse. Wa taba'u. Et ils l'ont suivi. Hajaru ilayhi. Ils ont migré vers lui. Li'anna wajadu fihi al-qudwa. Parce qu'ils ont trouvé en lui le modèle. الطفل إذا لم يجد القدوة في أبيه l'enfant dans le cas où il ne trouve pas le modèle l'exemple à suivre dans son père وفي أمه والبنت في أمها et la fille à travers sa mère فسيحاول أن يجدها في الخارج sûr et certain l'enfant va chercher son modèle à l'extérieur toi mon père toi ma mère vous servez pas pour être mon modèle je chercherai moi-même mon modèle à l'extérieur ربما يجد قدوته في الشباب الضالين peut-être qu'il trouvera son modèle dans les jeunes égarés سيرفض والده il va refuser son père مره كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في شوارع مكه une fois le prophète صلى الله عليه وسلم était en train de marcher dans les rues de la Mecque فنادت عليه امراه عجوز لا تعرفه une vieille dame qui ne le connaissait pas l'appela يا ولدي ô mon fils احمل علي هذا الحمل porte sur mon dos ce sac Un sac lourd. فحمله في مكانها ولم يحمله عليها. Le prophète صلى الله عليه وسلم a posé le sac sur son propre dos au lieu de le poser sur le dos de la vieille. فلما وصل إلى بيتها, lorsqu'ils sont arrivés devant la maison de cette dame, ووضع الحمل, il a déposé le sac, قالت له, la dame lui dit, يا أخ العرب, ô frère arabe, إنك لعلى خلق عظيم, certes tu jouis d'une moralité très haute, ولكني أوصيك بوصية, mais je te donne quand même, pour te payer, je te donne ce conseil, أعطيك وصية كجزاء, لقد ظهر في مكة رجل اسمه محمد, il est apparu dans la Mecque un homme qui s'appelle Muhammad, يدعي النبوة, il prétend la prophétie, فلا تصدقه ولا تتبعه, ne le crois pas et ne le suis surtout pas. فقال لها, il lui dit, ألا تعلمين من أنا يا أمة الله, est-ce que tu ne sais pas qui suis-je, ô servante de Dieu, أنا محمد رسول الله, je suis Muhammad, le messager de Dieu. فقالت له, أنت أنت, elle lui dit, c'est lui, c'est toi. فقال لها, أنا هو, il a répondu, c'est moi lui. فقالت العجوز, et la vieille dame a dit, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah et j'atteste que tu es le messager d'Allah. هذه هي القدوة, tel est le bon exemple. ونسأل الله تعالى وتبارك أن يساعدنا على أن نكون قدوة لأولادنا وبناتنا, إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو العزيز الغفور. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم, وعلى آله وصحبه, وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, فبعد القدوة نمر إلى الركيزة الثانية, après le modèle, on passe vers le deuxième pilier, al-hiwar bayn al-aba wa al-abna, le dialogue entre les parents et les enfants. Hada al-hiwar mafqoud al-yawm, ce dialogue n'existe pas aujourd'hui entre les parents et les enfants. Al-ibn la yatahammal kalam walidihi, à 20 ans, 18 ans même, ou même 17 ans, le fils ne supporte plus dialoguer avec son père. La fille ne supporte plus dialoguer avec sa maman. الولد ما بقاش يسمع يتكلم مع باه ولا مع امه, قال له ما تحكيولي. باب الحوار مسدود. La porte du dialogue est fermée. أقول أيها الإخوة, نحن الذين أغلقنا باب الحوار منذ صغر الأطفال لا نسمع لهم. Je dis mes frères et mes sœurs, ce sont nous qui avons fermé la porte du dialogue avec nos enfants. Depuis leur bas âge, on les écoutait pas. لا نشرح لهم, on leur expliquait pas. فإذا صاروا مراهقين لا يسمعون لنا, et lorsqu'ils deviennent adultes, à leur tour, ils nous écoutent pas. تجد الآباء والأبناء, tu remarques ou tu vois des parents et des enfants, يعيشون في بيت واحد, qui vivent dans un même lieu, وهم كالغرباء, et ils ressemblent à des étrangers. الآباء يتكلمون وحدهم, les parents parlent entre eux. والأطفال يتكلمون وحدهم, et les enfants parlent entre eux. وربما ليس هناك حوار حتى بين الزوج وزوجته, et peut-être il n'y a même pas un dialogue entre le mari et son épouse. إذا كان الحوار مفقودا بين الأب وابنه, dans le cas où il n'y a pas de dialogue entre le père et son fils, فالابن سيحكي مشاكله لأصدقائه, le fils va raconter ses problèmes à ses amis. للأجانب, aux étrangers, بدل أن يتكلم مع أبيه, au lieu de parler avec son père. والبنت ستحكي مشاكلها لصديقاتها, la fille va raconter ses problèmes à ses copines, بدل أن تحكي مشاكلها لأمها, au lieu de raconter ses problèmes à sa mère. الآباء لن يعرفوا شيئا عن الأبناء, les parents ne connaîtront rien sur leurs enfants. والأبناء سيحافظوا على أسرارهم لأن الآباء ليسوا في مستوى الحوار. Et les enfants vont garder leurs propres secrets parce que les parents ne sont pas au niveau du dialogue. الطفل منذ صغره سنه يأتي عند أبيه. L'enfant depuis son bas âge vient chez son père. ليحكي له ما يجري في المدرسة. Afin de lui raconter ce qui se passe à l'école. والأب لا يعطيه فرصة للحوار. Le père ne lui donne même pas une chance de dialogue. إما لا يعطي قيمة لكلامه. Soit qu'il n'accorde pas une importance à ses dires. وإما يصرخ في وجهه قائلا. Ou il crie devant lui en disant. لماذا فعلت هذا؟ Pourquoi tu as fait cela؟ هذا حرام. Ceci est interdit. وربما يضربه. Et peut-être il lui donne une gifle. والطفل بريء. Et l'enfant est innocent. لا يعرف. Il ne connaît rien dans la vie encore. فيقول الطفل في نفسه. Et l'enfant va dire intérieurement. من اليوم. قضية هكذا. من اليوم لا أحكي لوالدي شيئا. À partir d'aujourd'hui, je ne raconterai plus rien à mon père. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, لسنا في مستوى الحوار. Nous ne sommes pas au niveau du dialogue. حتى في البرامج التي تقدم لنا. Même dans les émissions. Qu'on nous présente les émissions paraboliques des chaînes arabes, كلما كان هناك حوار, à chaque fois qu'il y a un dialogue, تلفزي, télévisé, بين شخصين, entre deux personnes, رأيت صراخا, tu vois pas le dialogue, tu vois des cris, وأيدي ترتفع, et des mains qui se lèvent, وقلة أدب, et un manque de politesse. والله يقول, et Dieu dit, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, et appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse et la bonne parole, وجادلهم بالتي هي أحسن, et discute ou dialogue avec eux selon la façon la plus douce. نحن حتى بين الجماعات الإسلامية, en islam même, aujourd'hui même entre les groupes, les courants, les écoles musulmanes, il n'y a pas un dialogue. Je ne peux pas te supporter. Tu ne peux pas me supporter. La atahammal afkarak. Je ne peux pas supporter tes idées. Ashab al-masajid, les gens de la mosquée, qui fréquentent les mosquées, je ne supporte pas l'autre. Je ne dialogue pas avec l'autre. Je coupe avec l'autre. Je dis de l'autre, c'est un égaré parce qu'il ne suit pas mes idées. C'est un mécréant même. Aqul an al-akhar kafir. Dal. هذا هم المسلمين تبع اليوم. Ce sont les musulmans d'aujourd'hui. وإن بقينا بالحياة سأخصص إن شاء الله موضوع للخلاف. Si on reste en vie, si Dieu le veut, je vais réserver un sujet de vendredi pour la divergence et les règles de la divergence en islam. Comment supporter, comment respecter l'autre. L'autre aussi est un être humain. Qui a ses idées? Qui a le droit à réfléchir? Pourquoi tu veux m'imposer? Tu es un dictateur ou quoi? Tu es libre, je suis libre. Pourquoi tu veux me priver de ma liberté? Subhanallah. Et c'est Dieu le juge. Personne de nous n'est juge. Le juge, c'est Dieu. Et le meilleur parmi nous, ce n'est pas celui qui a le savoir. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui a la politesse, qui est poli, qui est éduqué, qui a un bon comportement. Celui qui te dépasse dans le comportement te dépasse dans la religion, malgré ton savoir. اللي فاتك في الأخلاق فاتك في الدين وإن كان عندك العلم. العلم بلا أخلاق لا يساوي شيء. La science sans comportement ne vaut rien. On verra tout ça inshallah. الإسلام يعطينا أمثلة رفيعة للحوار بين الآباء والأبناء. L'islam nous donne de haut niveau de dialogue entre les parents et les enfants. قال تعالى, Dieu dit, إذ قال يوسف لأبيه, quand Joseph dit à son père, يوسف طفل صغير, Joseph était un enfant à bas âge. ويحاور أبا, il dialogue avec son père, يا أبتي, إني رأيت أحد عشر كوكبا, والشمس والقمر, ô cher père, j'ai vu en rêve 11 planètes, et ainsi que le soleil et la lune, رأيتهم لي ساجدين, je les ai vus prosternés à mes pieds. ولدك يقول لك, هاتش تقول له روح تلعب. انت تشوف القمر والشمس ساجده لك, شكون انت؟ ما سجدت لي انا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك. Il dit, mon petit, ne raconte pas ton rêve à tes frères. فيكيد لك كيدا, car il pourrait te jouer un mauvais tour. لم يقول يعني يعقوب هذه خرافات. Jacob prière et sagesse. Il n'a pas dit que ce sont des n'importe quoi qui sort de la bouche de mon fils Joseph. ولم يعطيه قيمة. لا نو ساعده إلا أدى يوسف عليه السلام يريد جوابا. جوزيف ce petit prieur et sa instruit cherchait une réponse وأبوه أعطاه الجواب et son père lui a donné la réponse. يعني هناك مثال آخر, إبراهيم عليه السلام مع ابنه أتاه الأمر أن يقتل ابنه أن يذبح ابنه ورغم ذلك يحاوره. Abraham, prière et sage sur lui, qui a reçu l'ordre de tuer son fils. Et malgré cela, avant de l'égorger, il a noué un dialogue avec lui. T'as reçu, Abraham, t'as reçu un ordre de la part de Dieu. Pourquoi tu vas dialoguer? Peut-être il va prendre la fuite. Laisse-le, quand il dort, égorge-le. Non, il a préféré faire un dialogue. C'est quoi le dialogue? J'ai reçu l'ordre de t'égorger. شنو الحوار يا ولدي جاني امر من الله ان اذبحك في ظروف صعبه dans des conditions difficiles. Abraham quand même a fait le dialogue avec son fils. هكذا يعلمنا الاسلام الحوار. Ainsi l'islam nous enseigne le dialogue. شاب يجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم, un jeune qui prend place devant le prophète صلى الله عليه وسلم, ليقول له, pour lui dire, اذن لي يا رسول الله في الزنا, au messager de Dieu, autorise-moi l'adultère. فغضب الصحابة, les compagnons se sont emportés. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم خلوا بيني وبينه. Le prophète leur dit, laissez-nous, moi et le jeune, tranquille. وقام معه بحوار كله حكمة. Il a noué avec lui un dialogue plein de sagesse. ليس فيه قوة, sans violence. ولا غلظة, sans grossièreté. ولا صراخ, sans cri. ولا ضرب, sans coup. ولا سب, et sans insulte. Tu vas utiliser tout ça, l'enfant va prendre la fuite. Il n'y aura plus de dialogue. Il va appeler avec son portable la police. Venez, prenez-le. هذا اللي كاين اليوم. شاب يريد الزنا, un jeune qui cherche à faire l'adultère. تخيل ابنك او ابنتك يقول لك يا ابي اذن لي بالزنا. Imagine ton fils aujourd'hui ou ta fille aujourd'hui qui te dit père autorise-moi à faire l'adultère. قال له النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sa chérie lui dit افترضه لامك, est-ce que tu l'acceptes, c'est-à-dire l'adultère, pour ta maman? لا يا رسول الله, non messager de Dieu. أفترضاه لأختك, tu l'acceptes pour ta sœur? لا يا رسول الله, non messager de Dieu. أفترضاه لابنتك, est-ce que tu l'acceptes pour ta fille? لا يا رسول الله, non au messager de Dieu. جعلني الله فداك, que Dieu fasse de moi une protection pour toi au messager de Dieu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, فكيف ترضى للناس ما لا ترضى لنفسك, comment acceptes-tu pour les autres ce que tu n'acceptes pas à toi-même? Lorsque tu vas commettre l'adultère avec une femme, ça va être la mère de quelqu'un, ça va être la fille de quelqu'un, ça va être la sœur de quelqu'un, et ce quelqu'un n'accepte pas ça pour lui. Et comment tu acceptes pour lui ce que tu n'acceptes pas pour toi? حوار بالحكمة, un dialogue plein de sagesse. فقال الشاب, le jeune dit, اسأل الله أن يهديني يا رسول الله, au messager de Dieu, demande à Dieu de me guider ou de m'orienter. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم, et le prophète prière et sage lui a fait une prière. الركيزة الثالثة, le troisième pilier, هي الدعاء, c'est la prière sincère. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب المنحرف, exactement comme l'a fait le prophète prière et sage avec le jeune égaré qui voulait l'adultère. فالدعاء سلاح قوي, la prière, l'invocation est une arme puissante, ولكننا لا نستعمله, mais on l'utilise mal. وإذا استعملناه لا نستعمله بإخلاص, lorsqu'on utilise cette arme, on l'utilise sans sincérité. الدعاء يحتاج إلى صلاح وإخلاص, l'invocation nécessite une vertu et une sincérité. ربما القدوة الصالحة لا تنفع, peut-être le bon modèle ne sert pas. الحوار الطيب لا ينفع, peut-être le bon dialogue ne servira pas à grand chose. مع أحد الأولاد, avec l'un des enfants, فتوجه يا أخي بصدق إلى الله, à ce moment-là, frère ou sœur, dirige-toi avec sincérité totale à Allah. والدموع في عينيك, avec des larmes sur les yeux. وثق بأن الله لن يرفض دعاءك, et sois sûr et certain que Dieu ne refusera pas tes invocations. إذا فشلت في تربية أحد أولادك, si tu échoues dans l'éducation de l'un de tes enfants, بعدما قمت بكل الجهود, après avoir fourni tous les efforts, فتذكر قوله تعالى, rappelle-toi de la parole sacrée de Dieu, إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Rappelle-toi de cette parole, de ce verset coranique. Certes, tu ne guides pas celui que tu veux, mais c'est Dieu qui oriente qui il veut. Tawajja, ya akhi fi samt wa khushu', frère ou sœur, dirige-toi dans un calme, dans un silence, dans un recueillement, wa ikhlas wa dumu', une sincérité des larmes, il al-hadi, vers l'orientateur, vers le guide, il al-murabbi, vers l'éducateur. Ayyuha al-ikhwa wa al-akhawat, mes frères et mes sœurs, man rabba Ibrahim, qui a éduqué Abraham, wa abuh sani' wa ba'i' al-asnam, dont le père qui était le fabricant et le commerçant des idoles que les gens adoraient. Man rabba Moussa, qui a éduqué Moïse, prière et sait sur lui. Wa qad nasha fi qasr Fir'aun, qui a grandi dans le palais royal pharaonique. Man rabba Yusuf, qui a éduqué Joseph. Wa qad nasha ba'idan an abih, qui a grandi très loin de son père. Man rabba al-habib Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, qui a éduqué Muhammad, le bien-aimé Muhammad, prière et sait sur lui. Wa huwa yatim, qui était orphelin. Wa makkah kulluha ta'budu al-asnam, et la Mecque dans sa totalité adorait les idoles. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد ولا مرة واحدة للصنم. Et le prophète, dans toute sa vie, même avant d'être prophète, jamais il ne s'est prosterné devant une idole. أخي أختي, frère, sœur, إذا أحسست بالفشل, si tu ressens l'échec, فتوجه إلى الله, dirige-toi vers Allah. توجه إلى القوي, dirige-toi vers le très fort. توجه إلى الذي يقلب قلوب العباد كيف يشاء, dirige-toi vers celui qui a le pouvoir de tourner les cœurs des serviteurs comme il veut. الركيزة الرابعة والأخيرة, le quatrième et dernier pilier, العفو وقبول الخطأ, le pardon, pardonner et accepter la faute. تصحيح الخطأ بالتوبة, et corriger la faute par le repentir. دواء الخطأ هو التوبة, le remède, le médicament contre l'erreur s'appelle le repentir. كم من ناس في المسجد الآن كانوا تائهين, كانوا أبناء مخدرات وأبناء كذا, وتابوا وصاروا معنا, صاروا أحسن منا. التوبة, ربما أبوه مات لما شاف ولده عواج, ولكن مات الأب والولد من بعد صار صالح, كون غير ما قتلش نفسه بالهم وبقى يشوف الصلاح ديال ولده من بعد. Combien de jeunes parmi nous, de gens parmi nous dans la mosquée qui étaient égarés, qui étaient des drogués, etc., qui faisaient l'erreur, la grande même, mais aujourd'hui ils sont peut-être meilleurs que nous dans la mosquée. Ils sont revenus vers Dieu. Combien de pères qui est mort de maladies graves lorsqu'il a vu l'égarement de sa fille. Et je connais un, il est décédé par l'angoisse, le souci. Mais après son décès, quelques années, sa fille est revenue vers le droit chemin. Elle s'est mariée, elle a des enfants, alhamdoulilah. Il y a le repentir, il y a un Dieu qui accepte le repentir. هناك إله تواب رحيم. دواء الخطأ هو التوبة. Le remède de l'erreur s'appelle le repentir. إذا قام بالخطأ ابنك أو ابنتك, dans le cas où ta fille, ton fils commet l'erreur, تقبل الخطأ, accepte l'erreur. دلهما على دواء التوبة الصادقة, montre-leur le bon remède qui est le repentir sincère. La Bouddha min akhta, il est nécessaire de passer par des erreurs. Bil akhta inata'allam, avec les erreurs, on apprend. Man minna lam yukhti, qui parmi nous n'a jamais commis l'erreur dans sa vie? La taqul li awladik, ne dis pas à tes enfants, antum matrudin, vous êtes chassés. Antum lastum awladi min al-an, vous n'êtes plus mes enfants à partir d'aujourd'hui. هذا خطا اكبر من اخطائهم, il s'agit là d'une erreur qui dépasse la leur. الاحسن ان يبقوا معك, il est préférable qu'ils restent avec toi. ساعدهم شيئا فشيئا, aide-les petit à petit للرجوع الى الله, afin qu'ils reviennent vers Dieu. استعمل معهم الحب الابوي, الابوي, utilise avec eux l'amour paternel. الرحمة الإلهية, la miséricorde divine. الحوار الطيب, le dialogue correct et sain. الدعاء المخلص, l'invocation sincère. أما إذا تركتهم بين لهم أنك تحبهم، أنك تحبهم. Montre-leur que vraiment tu les aimes. Beaucoup d'enfants se trompent. Malheureusement, pensent que leur père ou leur mère ne les aime pas. كثير من الأطفال هنا مغرورين يظنون أن أمهم أو أن أباهم لا يحبهم. لم يسمع مرة من أبيه يا ولدي إنه يحبك. Jamais il n'a entendu de la bouche de son père, même une fois, mon fils, mon cher fils, je t'aime. أما إذا تركتهم يخرجوا من غير رجعة. Mais dans le cas où tu laisses sortir sans jamais revenir, فإنك تدفعهم للمزيد للمعاصي. À ce moment-là, tu les pousses à plus de péchés et de désobéissance. وربما للكفر, peut-être tu les pousses à la mécréance. تذكر يا أخي أن أولاد الأنبياء عليهم السلام. Rappelle-toi, mon frère ou ma sœur, que les enfants des grands prophètes, malgré qu'ils étaient élevés, éduqués de la part de grands prophètes, il y a parmi eux celui qui a commis l'erreur, al-khata al-kabir, la grande erreur, ils n'ont pas la petite erreur. Le fils de Noé, prière et sage, celui qui a désobéi à son père. Le fils d'Adam, prière et sage, celui qui a tué son frère. Les enfants de Jacob, prière et sage sur lui. Qui ont essayé de tuer leur frère Joseph, ils l'ont jeté dans le puits. رموه في البئر وكذبوا على أبيهم. Ils ont raconté des mensonges à leur père. ورغم ذلك, malgré tout ça, عفا عنهم أبوهم. Jacob, prière et sur lui, leur a pardonné leur faute. وعفا عنهم أخوهم يوسف عليه السلام. Et leur frère Joseph, prière et sur lui, leur a accordé son pardon. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, البيئة التي نعيش فيها الآن, l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, أصعب من التي عاش فيها أولاد الأنبياء est pire et plus dangereux que l'environnement dans lequel ont vécu les enfants des prophètes. في عالمنا مغريات كثيرة. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'attractions, beaucoup de séductions. يجب أن نفهم الأولاد. On doit comprendre les enfants. يجب أن نرحمهم. On doit être clément à leur égard. كانت هذه بعض الركائز من بين الركائز الكثيرة التي تعتمد عليها التربية في الإسلام. C'était là quelques piliers parmi les nombreux piliers sur lesquels se base l'éducation en islam. وفي الأخير أقول, à la fin je dis, أخي أختي, frère ou sœur, أولادك جزءٌ منك. Tes enfants constituent une partie de toi. C'est une partie de toi qui marche sur le sol. فلا تتركهم يضيعوا منك. Ne les laisse pas se perdre de toi ou s'égarer loin de toi. افعل كل جهدك للحفاظ عليهم. Fais tout ton possible pour les garder auprès de toi. حتى إذا ضيعت الأولاد. وأنت ربما الآن يعني في التقاعد, ربي أولاد الأولاد. إذا لم تعطي الحب للأولاد, اعطي الحب لأولاد الأولاد. ربما يعني ترد أولاد الأولاد للإسلام. Dans le cas où tu n'arrives pas, où tu n'es pas arrivé à faire de tes enfants des musulmans, peut-être maintenant tu es à l'âge de la retraite. Tu n'as plus grand-chose à faire. Occupe-toi des enfants de tes enfants. Donne l'amour aux enfants de tes enfants. Ils vont se rappeler de cet amour. Ils vont te voir faire la prière. Un jour, ils vont faire comme toi. Wallahu al-muwaffiq. Et c'est Dieu qui le soutient et qui aide à accomplir des miracles. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت, نسألك في هذا اليوم يوم الجمعة في بيتك المسجد يا أرحم الراحمين, يا من هو على كل شيء قدير, يا رب أرنا عجائب قدرتك في هداية أولادنا. يا رب كثير من الآباء وكثير من الأمهات عجزوا عن تربية أولادهم. أولادهم لا يصلون، أولادهم لا يصومون، أولادهم يفعلون ويفعلون. يا رب إنك قادر على كل شيء، ردهم ردا جميلا إلى الإسلام. يا رب يا رب ارحم عبادك، يا رب ارحم الآباء والأمهات، يا رب ارحم الأم التي تبكي وقلبها يتفطر لما يفعل ولدها أو بنتها. يا رب ارحم دموعها، يا رب افرحها برجوع ولدها وبرجوع بنتها إلى دين الإسلام. يا رب يا من لا إله إلا أنت جمعت بيننا وبين أولادنا في الدنيا بالأبوة، فلا تفرقنا غدا يوم القيامة وإياهم. يا رب اجمعنا معهم في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جمعتنا معهم في الدنيا. يا رب أفرحنا جميعا بأولادنا وبناتنا في الدنيا والآخرة. يا رب يا أرحم الراحمين ساعد أولادنا على التوبة، ساعدهم على الرجوع للدين. إنك أنت القوي القادر وأنت العزيز الغافر. يا رب في الأخير صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.